Et si, pour une fois, je vous parlais d'un fait divers, m'a dit Monsieur X. Pourquoi pas? Toutefois, je devais m'y attendre, il ne s'agissait pas d'un fait divers comme les autres. Mais n'allons pas trop vite, comme dirait Monsieur X. L'affaire remonte à 1975, le rapt de la Saint-Sylvestre, comme on l'a appelé. L'enlèvement, en pleine réunion d'état-major, de l'un des personnages les plus influents du show business, le PDG de Phonogramme, filiale de Philips, Louis Hazan, l'éditeur et ami de Johnny Hallyday, de Georges Brassens ou encore de Serge Gainsbourg. Les ravisseurs se manifestent assez rapidement et demandent une énorme rançon. Mais ils se font arrêter une semaine plus tard de façon assez stupide, qui fait douter de leur professionnalisme. D'où toute une série de questions. S'agissait-il d'un vrai rapt? Un rapt comme ils s'en commettaient alors tant en Italie? Ou bien n'était-ce qu'un simulacre? Une opération en trompe-l'œil destinée à escroquer Phonogramme avec des complicités intérieures? Et disons-le tout de suite, comme trop souvent malheureusement, c'est la victime, Louis Hazan, qui ne tardera pas à être traité en suspect par la presse et les vrais coupables. Une attitude qui n'est pas trop étonnante, car elle permettait de jeter un rideau de fumée sur les véritables motivations des uns et des autres. Enfin, que penser de l'obstination de la police et de la justice à ne voir dans cette affaire qu'une opération purement crapuleuse, et à dissiper toutes les implications politiques, alors même que plusieurs des protagonistes étaient des extrémistes notoires. Aujourd'hui encore, cette affaire demeure mystérieuse. Dans un instant, Monsieur X tente d'y voir plus clair. Tout a donc commencé apparemment ce 31 décembre 1975. Pourquoi apparemment là? Parce que l'enlèvement du PDG de Phonogramme a été précédé par deux événements très curieux. Deux mois et demi plus tôt, une employée de la société découvre, presque par hasard, un considérable détournement de fonds. L'affaire est vraiment bizarre. Un individu qui ne sera jamais identifié a déposé un chèque de plus de 3 millions de francs dans une banque parisienne. Et un chèque signé par Louis Hazan, le PDG de Phonogramme, qui est tout de suite encaissé. Mmh. Et peu de temps après, cet homme retire en liquide la presque totalité de la somme. Ouais. Quand même, les responsables de la banque là, ne se sont pas posés de questions, enfin, plus de 3 millions en liquide, surtout en 1975, hein, ouais. Ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, vous avez raison, ils auraient pu au minimum passer un coup de fil chez Phonogramme. D'autant qu'on s'aperçoit très vite que la signature de Hazan a été imitée. Phonogramme porte donc plainte pour escroquerie, mais l'affaire est embarrassante. Il est évident que le document autorisant le virement et portant la fausse signature du PDG a été subtilisé par un familier de la maison, vraisemblablement. Ouais. Ouais, un familier qui doit occuper une importante fonction de la société hein, pour avoir accès à de tels documents. Ouais, évidemment. 10 jours après, une bombe est jetée devant les locaux de Phonogramme. Il n'y a pas de blessés, mais d'importants dégâts. Un attentat, revendiqué? Curieusement, non. Et je vous l'ai dit, 2 mois plus tard, le PDG est enlevé. Et alors, ces trois événements sont liés? Écoutez, pas besoin d'être Maigret pour l'imaginer. Il est certain que quelqu'un a décidé de s'attaquer à Phonogramme. Quelqu'un ou quelques-uns? Bien entendu, oui. Alors, avant d'essayer de décrypter cette étrange succession d'événements, comment se passe l'enlèvement de Louis Hazan? D'une façon, là encore, assez étonnante. Ce matin du 31 décembre, donc, le PDG a réuni dans une salle de réunion ses principaux collaborateurs. Soudain, la porte s'ouvre et plusieurs hommes armés apparaissent. Masqués? Non, ça aussi c'est curieux. Autre point bizarre, deux de ces hommes portent une malle en osier. Ça signifie donc qu'ils ont pu entrer dans l'immeuble avec leur malle sans attirer l'attention. Il devait pourtant y avoir des gardiens, surtout dans une maison fréquentée par des vedettes. Bien entendu, mais personne ne s'est étonné. Ah bon. D'autre part, ces types étaient parfaitement informés car certains d'entre eux ont pénétré dans le bâtiment par une porte latérale que beaucoup de membres du personnel ne connaissaient même pas. D'où une nouvelle fois la suspicion d'une complicité à l'intérieur de la société. Oui, alors que s'est-il passé après l'entrée de ce commando armé? L'un des hommes enjoint au dirigeant de Phonogramme de lever les mains en l'air. Puis un autre demande, qui est Hazan? Ah bon, parce que donc ils ne le connaissent pas. Enfin, ça c'est ce qui apparaît en tous les cas. Louis Hazan se lève. Il est aussitôt coiffé d'une cagoule et mains liées, il est fermement invité à entrer dans la malle en osier. Et pendant ce temps, les autres membres du commando ligotent tous les participants et les bâillonnent. À l'exception d'un seul, le directeur administratif. Pourquoi? Parce que cet homme va être obligé d'accompagner le commando. Un otage, quoi. Une sorte d'otage, oui, en apparence. En apparence, alors, c'est un faux otage. C'est ça, oui. Mais on ne s'en apercevra qu'un peu plus tard. Ouais. Ah oui, hein. Alors la taupe à l'intérieur de Phonogramme, c'est lui? Vraisemblablement. Ouais. Je vous trouve comment dirais-je, anormalement prudent. Bah, écoutez, rien n'est vraiment très clair dans cette histoire, étonnée. Je ne vous donnerai même pas le nom de cet homme ni celui de ses comparses. Ces types ont payé. Ils sont donc quittes avec la justice et la société. Mais je poursuis. Mm-hmm. Le commando sort la malle en osier contenant Azan. La porte de la salle de réunion est fermée à clé. Ah oui. Donc c'est les autres dirigeants sont prisonniers, quoi. Oui, à cause de leur baillon, ils ne peuvent même pas donner l'alerte. À l'extérieur, la malle est chargée dans une camionnette qui file aussitôt, tandis qu'une partie du commando monte dans un autre véhicule. Avec le prétendu otage. Oui, qui sera relâché quelques centaines de mètres plus loin et reviendra délivrer ses collègues. Mais je m'aperçois que j'ai oublié un détail essentiel. Quoi? Tout de suite après avoir envahi la salle de réunion, un des hommes a dit « On vient pour le solde ». Et certains des témoins ont alors l'impression que ce personnage joue un rôle. Pourquoi là? Ça serait une sorte de phrase code? En quelque sorte, une phrase qui fait partie du scénario en tout cas. Ouais. Et ce solde alors? Ça pourrait être le complément de la somme qui a déjà été escroquée à Phonogramme. Mais ça induit donc que la société a déjà fait l'objet d'une demande précise. Du chantage? Pourquoi pas? C'est très machiavélique parce que ça introduit le doute. Bref. Si on analyse bien cette phrase, on peut en conclure que Phonogramme a quelque chose à cacher. Ouais, et que l'escroquerie aux 3 millions n'en était peut-être pas une. Mais était en réalité un versement volontaire de la société pour d'obscures raisons. Ouais, tout ça est un peu compliqué, alors votre avis là. Moi, je suis persuadé que l'homme du commando qui a prononcé cette phrase l'a fait sur ordre. Et uniquement pour semer le trouble et égarer les enquêteurs. Cette manœuvre, vous le verrez, finira par porter ses fruits. On verra plus tard l'un des cerveaux de l'enlèvement accusé Phonogramme et donc son PDG d'être mêlé à un trafic d'armes avec le Liban. Tandis que d'autres comparses prétendront qu'on se livrait chez Phonogramme à des trafics de cassettes. Pour vous, autant de fausses accusations? Et de manière de noyer le poisson, oui. Mais enfin, voyons la suite des événements. Pendant quelques jours, les ravisseurs jouent au chat et à la souris avec la police et les proches de Louis Azan. Ils ont réclamé une rançon. Oui, une très grosse rançon, 15 millions de francs, une somme considérable à l'époque. Somme que le PDG de la maison mère, Philips, a d'ailleurs accepté de verser. C'est dire dans quelle estime il tient son collaborateur. Alors, revenons un peu à ce jeu du chat et de la souris. Oui, il y a plusieurs rendez-vous fixés pour la remise de la rançon. Des rendez-vous annulés au dernier moment. Pourquoi? Parce que les ravisseurs veulent prendre leurs précautions? Naturellement. Ils ont peur d'être pincés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en haut lieu, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, dirigé alors par Michel Poniatowski, on a décidé qu'on ne paierait plus. C'est-à-dire C'est la nouvelle doctrine. Pour ne pas encourager d'autres enlèvements, le pouvoir a désormais l'intention d'interdire toute remise de rançon, y compris contre la vie des familles. Et au risque de mettre en péril la vie des victimes, hein. Exactement. Et dans le cas précis de Azan, le pouvoir a certainement fait une boulette. Il faut expliquer. Bien. Quand Michel Poniatowski découvrira qui sont réellement les ravisseurs, il regrettera sans doute que la rançon n'ait pas été remise en toute discrétion et qu'on n'ait pas laissé filer les auteurs du rapt. Enfin, c'est une autre histoire sur laquelle, je vous le promets, je vais revenir. J'y compte bien. Alors voyons les faits. Seulement les faits. Le 6 janvier, je crois, un rendez-vous est enfin fixé après un véritable jeu de piste dont je vous passe les détails. Alors, où et quand a lieu ce rendez-vous? Vers 20h30, dans un endroit pas très discret, sur le terre-plein central de la place de la Bastille. En fait, oui. Enfin, ce doit être un piège pour les policiers, puisqu'il a été décidé de ne pas payer. Oui, au moins qu'ils aient du génie. Au lieu de membres du personnel de Phonogramme, ce sont des policiers qui vont aller au rendez-vous. Et naturellement, les sacs qu'ils sont censés remettre aux ravisseurs ne contiennent que des vieux papiers. Alors, c'est un succès pour la police? Bien que l'ultime rendez-vous ait été fixé au dernier moment par un coup de fil dans un bistrot voisin, la police a quand même eu le temps de mettre en place un dispositif efficace. Et dès que les ravisseurs se présentent, ils sont deux, des policiers leur sautent dessus et les arrêtent après une courte bagarre. Oui, mais l'essentiel, Azan, lui, est toujours pas libéré. Hein. Il faut faire vite. C'est-à-dire faire parler les deux hommes arrêtés, là. Qui sont frères et très jeunes. Et les enquêteurs vont alors avoir leur première surprise. L'un des jeunes gens déclare que son frère et lui sont des militants politiques d'extrême droite. Ils appartiennent au PFN, le Parti des Forces Nouvelles. Et l'argent de la rançon devait servir à financer leur mouvement. Disons simplement que le PFN, créé en 1974, est l'héritier du mouvement Occident, dissous en 1968, et d'ordre nouveau, également dissous en 1973. Dans leur livre « Les droites nationales et radicales en France », Jean-Yves Camus et René Monza précise, je les cite. Le PFN fut, entre 1974 et 1981, le principal rival du Front National qu'il surpassait alors tant en potentiel militant qu'en voix ou en audience médiatique. Issu d'ordre nouveau, le parti rassemblait ceux, essentiellement des jeunes et des étudiants, qui avaient refusé la tactique modérée de Le Pen au sein du Front et l'abandon de l'idéologie nationaliste révolutionnaire. Après la dissolution d'ordre nouveau, Alain Robert et ses amis créèrent Faire Front, qui fit campagne contre l'immigration maghrébine, mais aussi pour le soutien à la junte chilienne du général Pinochet. Le véritable tournant se passe lors de l'élection présidentielle de mai 1974. Alors que Le Pen se porte candidat et recueille 0,7% des suffrages, Faire Front se rallie à Valéry Giscard d'Estaing, espérant constituer le pôle droitier de la nouvelle majorité. Le parti censé porter ce courant fut donc fondé à Bagnolet le 9 novembre 1974 et élu un comité central où siégeaient François Brignot, Roland Gaucher, l'ancien cagoulard Gabriel Jeantet, les historiens Thierry Buron et Pascal Gauchon, Anne Méo, futur attaché de presse de Valéry Giscard d'Estaing, et divers militants issus d'ordre nouveau. Ces deux jeunes gens affirment donc être des militants d'extrême droite. Hein. Mais est-ce qu'ils donnent des précisions sur la situation de Louis Hazan ? Non, ils révèlent que le PDG est entre les mains d'une deuxième équipe dont ils ignorent tout. Cependant, ils donnent aux enquêteurs de la CRIM de précieux renseignements. Le cerveau de l'opération serait un industriel d'origine italienne, appelons-le Monsieur B, et le chef des opérations répondrait au pseudonyme de Miguel, un franco-italien, lui aussi militant du Parti des Forces Nouvelles, dont il serait le chef du service d'ordre. Alors, ça ne devrait pas être trop difficile de le retrouver, celui-là. C'est ce que pensent les policiers, qui perquisitionnent aussitôt le siège du PFN. Mais dans le fichier, ils ne trouvent pas trace de ce Miguel. Cependant, encore une fois, l'un des deux frères parle. Il sait que ce Miguel habite en banlieue. Il ne connaît pas l'adresse exacte, mais il se fait fort de conduire les policiers jusqu'à son domicile. Très coopératif, ce jeune homme. Hein. N'est-ce pas ? Et effectivement, il tient parole. Et les policiers interpellent ce Miguel, que nous allons continuer à appeler ainsi. Ouais. Et il parle, lui aussi ? Oui. Et il révèle que le véritable chef se nommerait Jacques, un ancien de l'OAS. C'est lui, responsable de la deuxième équipe, qui aurait pris en charge le PDG de Phonogramme. Mais ça ne permet pas pour autant de situer l'endroit où serait détenu Hazan. C'est juste. Cependant, Miguel se souvient opportunément qu'il a noté un numéro de téléphone. Un numéro qu'il a recopié sur le revers de son blue jean. Pour ne pas l'oublier. Ouais, sans doute. Il ajoute qu'il ne sait pas à quoi correspond ce numéro. Ouais. Bah, tout ça est un peu cousu de fil blanc, non ? Bah, en tous les cas, ça y ressemble. J'ajoute aussi, et ce n'est pas anodin, que Miguel, au cours de sa première déposition, déclare qu'il a été garde du corps de Valéry Giscard d'Estaing lors de la campagne électorale de 1974. Une façon de faire comprendre aux policiers qu'ils avancent peut-être en terrain miné ? Évidemment. D'autant que Miguel affirme lui aussi, comme les deux frères déjà interpellés, que le rap de Louis Hazan est une opération politique. Enfin, quoi qu'il en soit, les enquêteurs n'ont aucun mal à faire parler ce numéro de téléphone. À partir de là, tout va très vite. Une équipe de policiers se précipite en Eure-et-Loire et investit une maison de village. Louis Hazan s'y trouve, enfermé dans un placard. Vivant. Choqué, mais vivant. Toutefois, les hommes qui le séquestraient, 3 ou 4, ont fui. Quand ? Au moment de l'assaut contre la maison ? Non. Curieusement, ils ont abandonné la maison 3 quarts d'heure avant l'arrivée des policiers. Ça veut dire qu'ils ont été prévenus. Et qu'il y aurait eu une fuite. Ça me paraît évident. Mais, à ma connaissance, personne n'essaiera d'éclaircir ce mystère. En tout cas, les ravisseurs n'ont pas eu le temps de faire place nette. Et ils ont laissé de nombreux indices qui permettront aux enquêteurs de les identifier. Et en particulier ce Jacques, qui est un gros poisson. Jacques, c'est son prénom, hein. Vous voulez pas dire son nom, c'est ça, hein. Oui, il a fait partie du commando du petit Clamart. Ah oui, l'attentat contre le général de Gaulle. Oui, il devait tirer lui aussi, mais sa mitraillette s'est enrayée. Ça vaut à cet ancien para qui s'est autrefois courageusement conduit à Dien Bien Phu d'être condamné à mort, puis gracié, et de passer plusieurs années en prison, jusqu'à l'amnistie présidentielle de 1968. Et ensuite, alors, ce Jacques? Il est récupéré par un ancien patron de la sécurité militaire, devenu directeur du personnel chez Peugeot, qui le charge de mettre sur pied une milice patronale. Puis il exerce des fonctions d'ingénieur conseil en électronique. Il semble aussi, enfin, je vous dis ça sous toute réserve, qu'il se souhaite occuper de vente d'armes. Et ses activités politiques, alors ? Jacques n'a jamais rompu avec l'extrême droite. Et en 1974, lorsque l'une des composantes de ce mouvement, le PFN, se met au service du candidat Giscard d'Estaing, l'ancien para fait partie de la garde rapprochée du futur président. Pour un homme qui a été condamné à mort pour avoir tenté de tuer un président de la République, c'est assez pittoresque, non ? Oui, je suis d'accord avec vous. Un dernier mot sur ce Jacques. Tous ceux qui le connaissent enfin qu'ils connaissent bien, affirment que cet homme intelligent n'est pas du tout intéressé par l'argent. Et pourtant, il va participer à une tentative d'enlèvement contre remise d'une rançon. Et c'est un aspect très intéressant. Car, manifestement, il n'entend pas personnellement toucher toute ou partie de cet argent. Et ça renforce l'aspect politique de l'affaire. Bien évidemment. D'autant que tous les hommes qui vont être arrêtés les uns après les autres sont tous des gens d'extrême droite affiliés pour la plupart au PFN. À l'exception d'un seul. Enfin, nous allons en reparler. Et pourtant, la justice et la police de concert n'auront de cesse d'occulter cet aspect. Et pour vous, alors, l'aspect politique, hein. Mmh. Et pour vous, c'est pas innocence. Bien entendu. Mmh. Je crois que je vous ai déjà donné une partie de l'explication. La participation de ces gens d'extrême droite à la campagne de Valéry Giscard d'Estaing? Une complicité assez ancienne, entretenue par son directeur de cabinet et futur ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski. Ah ouais. C'est ce dernier, a-t-on prétendu, qui aurait été l'informateur de l'OAS au sein du pouvoir. Mais enfin, je vous apprends rien. Autre chose, à propos de ce Jacques. Assez bizarrement, il a loué cette maison d'Eure-et-Loir où a été séquestré Azan sous son nom. Son vrai nom, je veux dire. Ouais, ça c'est une imprudence assez incompréhensible. Sauf à considérer que Jacques se sentait protégé. Mmh. Et c'était le cas? Je ne sais pas, mais enfin on peut s'interroger. Mmh. A-t-il été arrêté lui aussi? Non, il a réussi à fuir et à passer à l'étranger. Encore une histoire mystérieuse. Jacques est parti en Indonésie. Là, il trouve à s'employer dans une société pétrolière française, filiale d'un groupe public, toujours comme ingénieur. Et ça dure une bonne année. Est-ce que ses employeurs savent qu'il a été mêlé à l'enlèvement de Louis Azan? Franchement, je n'en sais rien. Enfin, c'est la suite qui est intéressante. En 1977, plus d'un an après l'affaire, Jacques se rend à Singapour et demande le renouvellement de son passeport. Un passeport, écoutez bien, qui est établi sous son vrai nom. Ouais, alors que ce Jacques, hein, doit faire l'objet d'un mandat de recherche international. Enfin. Bah forcément. Et il obtient le renouvellement de son passeport? Oui, mais 3 mois plus tard, il est interpellé par les autorités indonésiennes et remis entre les mains d'un commissaire de police français qui le ramène avec lui en France. Exactement comme si on avait enfin fait le lien entre cet expatrié français et le ravisseur du PDG de Phonogram. Expliquez-moi ce qui s'est passé, là. On ne peut émettre que des hypothèses. Ouais. Celle-ci, par exemple, qui me paraît quand même très audacieuse. À Paris, vous le savez bien, Jacques Chirac, qui a démissionné de son poste de Premier ministre, s'oppose maintenant frontalement au président Giscard d'Estaing. Alors, on peut imaginer qu'on ait voulu embarrasser ce dernier en faisant réapparaître Jacques et en le livrant à la justice. Ouais, mais comment, là? En donnant un tuyau à la police? Pourquoi pas? Je suis à peu près certain que dans les services qui avaient de longue date des relations avec les milieux d'extrême droite et le SAC, on ne veut pas ignorer que Jacques se trouvait en Indonésie. Peut-être même se rendait-il utile à l'occasion. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Cependant, avant de poursuivre, je voudrais quand même signaler un autre événement étrange. Mais décidément. Cette affaire est particulièrement déroutante. Très vite, après l'arrestation des principaux membres de la bande, la police met la main sur la camionnette qui a servi pour l'enlèvement. Et là, nouvelle surprise. C'est une carcasse que trouvent les enquêteurs. Le véhicule a explosé et à l'intérieur, il y a un cadavre qui s'avérera être celui de l'un des gardiens de Louis Azan. Ouais. Un type d'extrême droite, lui aussi? Naturellement. Alors, selon vous, que s'est-il produit, là? Officiellement, la camionnette aurait transporté des explosifs et ce garçon aurait fait une erreur de manipulation. Maladresse? Oui, enfin ça ne colle pas avec le témoignage d'un passant qui a assisté au drame. Il a vu le malheureux entrer dans le véhicule qui a immédiatement explosé. Alors, un assassinat? C'est bien possible, oui. Mais je vous rassure très vite, l'enquête n'est pas allée plus loin. D'ailleurs, le dossier a été disjoint de l'affaire principale, le kidnapping de Louis Azan. Toutefois, le véhicule détruit va mettre les policiers sur une nouvelle piste. Dès la nouvelle de l'arrestation des ravisseurs et de leur appartenance au PFN, et précédemment à Ordre Nouveau, la presse d'opposition s'en donne à cœur joie. Le canard enchaîné n'est pas en reste. Voici ce qu'écrit Nicolas Brimaud dans l'édition du 14 janvier 1976. Tout ce petit monde d'Ordre Nouveau avait été recruté pendant la campagne présidentielle par 3 giscardiens d'importance, Roger Chineau, Michel Dornano et Hubert Basso. Une mention spéciale pour ce Basso, mêlé de très près à la disparition de l'ancien trésorier de l'OAS, Gorel, c'est un bon ami de Jean-Jacques Sousigny. À l'époque de la campagne présidentielle, l'ancien secrétaire général d'Ordre Nouveau, Alain Robert, avait même à sa disposition un bureau au siège du parti giscardien. Aujourd'hui, Basso et Chineau se sentent un peu gênés, on se demande bien pourquoi. Autre ancien gorille de Giscard, DM, il s'agit de celui que Monsieur X n'appelle que par son pseudonyme, Miguel, ex-sergent para, c'est un dur, lui aussi, avec une particularité bien intéressante. Il était en relation avec des membres des services secrets espagnols. Il participa notamment à plusieurs actions et attentats en France des guérilleros du Christ-Roi, tenait des réunions avec d'autres Français à l'ambassade franquiste et travaillait parfois en liaison avec l'attaché militaire espagnol. La camionnette qui a explosé et qui était, de mon point de vue, certainement piégée, est immatriculée dans le Cantal et a été prêtée à la société Aquasimplex. Or, les enquêteurs ont découvert que dans la planque abandonnée précipitamment par Jacques et ses complices, des documents faisant mention de cette même société. La planque là de où était séquestré Louis Azor. Hein. Ouais. Ouais, donc les enquêteurs vont essayer d'en savoir plus là sur. C'est pas très compliqué. Aquasimplex n'est pas une société fantôme. Ah. Chargée d'études sur la pollution aquatique, elle possède un local près d'un plan d'eau de l'EDF et son principal dirigeant n'est autre que Jacques. Les policiers perquisitionnent donc le bâtiment où ils trouvent plusieurs embarcations pneumatiques équipées de puissants moteurs, du matériel de plongée tout neuf et de nombreuses cartes d'état-major africaines et sud-américaines. Mmh. Conclusion En enquêtant dans le voisinage, ils établissent que régulièrement des hommes venaient s'entraîner là à la plongée, même en plein hiver. Ouais. Et ils pensent à des entraînements de commando. Bien sûr. Mmh. On établira aussi un peu plus tard que tout ce matériel a été acheté assez récemment et payé en liquide. Une assez grosse somme. Est-ce que les policiers font le rapport, alors, avec, on parle de liquide, hein, avec l'escroquerie commise au détriment de Phonogram Écoutez, difficile de ne pas y penser. Enfin, là encore, la police restera très discrète et s'interdira, par exemple, d'imaginer que ce camp aurait pu, par exemple, abriter de futurs mercenaires pour des missions en Afrique. Enfin, j'y reviendrai. Pour l'instant, essayons de nous intéresser à celui que j'ai appelé Monsieur B. Mmh. Cet industriel d'origine italienne hein, qui serait le cerveau du kidnapping. Oui, lui aussi ne tarde pas à tomber dans les filets de la police. Ouais. Bon, et c'est un véritable industriel ? Et aussi un authentique napolitain. Ancien sportif, il est venu en France après une faillite dans une affaire de piscine. Et il a tout recommencé à zéro dans une entreprise de nettoyage. D'abord, simple employé, il est devenu rapidement contremaître, puis il est entré dans une autre entreprise de ce secteur comme chef du personnel, puis directeur technique. Ouais, c'est une belle réussite, ça. Incontestablement, Monsieur B gagne bien sa vie, dispose d'une voiture de fonction. Mais on va découvrir d'importants mouvements d'argent sur ses comptes en banque. Manifestement, ce personnage se livre à des activités occultes. Politique ? Non, notez-le bien, c'est le seul personnage de la bande qui n'appartient pas à la mouvance d'extrême droite. Alors quoi ? Eh bien, sans aucunement faire preuve de racisme, il est tentant de penser à la mafia. La mafia napolitaine, la Camorra. Hmm. Une pure supposition ? Ah, ça, je l'admets, mais plusieurs éléments me font pencher dans ce sens. À l'époque, en Italie, on assiste à une véritable épidémie de kidnappings crapuleux. Des kidnappings qui donnent toujours lieu à des remises de rançon. Ouais. Et votre monsieur B, là, aurait pu s'inspirer de ces exemples ? Oui, ou même agir pour le compte des parrains de la mafia. Autre chose, le crime organisé italien a aussi l'habitude d'investir l'argent récolté dans l'achat de diamants. Or, notre homme a un frère qui habite l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le principal pays producteur de diamants. Hein. Oui, ce frère arrive justement à Paris dans les jours qui suivent l'enlèvement du PDG de Phonogram. Étrange coïncidence. Ah, ça, je ne vous fais pas dire. Interpellé lui aussi, il affirmera qu'il venait remettre de l'argent à son frère, quelques milliers de dollars. Des broutilles, si l'on tient compte des sommes qui transitent sur le compte de Monsieur B. Et puis, enfin, au fond, hein, pourquoi se déplacer alors qu'il aurait pu opérer un virement bancaire ? Exactement. Mmh. Alors, tous ces éléments font réfléchir. Et puis, il y a la suite de la carrière de cet homme. Après sa libération. Bien entendu, car il restera emprisonné de longues années. Mais on le retrouve beaucoup plus tard dans l'organisation de jeux en Afrique noire, en association avec la femme d'un important président francophone. L'exploitation des jeux, vous ne l'ignorez pas, est une activité traditionnellement noyautée par les mafias. Et puis, il y a aussi les liens qu'il entretient avec un mystérieux et richissime personnage, Peter M. Qui c'est celui-là ? Un Anglais, très habile. Installé sur la croisette et qui, sous couvert de s'occuper de l'entretien des yachts des hommes les plus fortunés du monde, a créé un véritable réseau de blanchiment d'argent, à la lisière de la politique et des services secrets. Et de la mafia. Bon, ce n'est pas impossible. Enfin, quoi qu'il en soit, ce nabab, capable de satisfaire les moindres caprices de ses riches clients, a bâti un véritable empire dont les centaines de sociétés étaient toutes enregistrées dans des paradis fiscaux. Mais un jour de 1996, on l'a retrouvé mort. suicide, paraît-il. Mais ça veut dire que vous n'y croyez pas, ça. Pas trop, non, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé une lettre à son épouse où il écrivait que s'il lui arrivait malheur, Monsieur B pourvoirait à tous ses besoins matériels. Il se sentait donc menacé? Je le pense, oui. Et cet homme influent avait donc une entière confiance dans son ami, Monsieur B. Mais passons, car tout cela n'a jamais été éclairci. Ah, mais vous m'en reparlerez peut-être un jour, hein? Oui, à condition d'obtenir de nouvelles informations, et sans prendre trop de risques, car nous avons là affaire à des gens extrêmement dangereux. Alors, s'il vous plaît, revenons un peu en arrière. Hein. Vous ne m'avez toujours pas expliqué ce que venait faire ce Monsieur B dans l'affaire Azan. Oui, vous avez parfaitement raison. Eh bien, c'est très simple. Au temps où cet industriel prospérait dans le nettoyage, son entreprise était en particulier chargée de l'entretien des locaux de Phonogram. Ah ouais, là, je commence à comprendre. Donc, Monsieur B connaissait très bien la maison. Et je vous le rappelle, les kidnappeurs ont évolué tranquillement dans cet immeuble où il y avait un véritable dédale de couloirs. Mais ce n'est pas tout. Ce personnage était aussi un très grand ami du directeur administratif de Phonogram. Le faux otage. Et l'homme qui sera plus tard convaincu d'avoir eu partie liée avec les ravisseurs de son patron. C'est d'ailleurs lui qui a permis à l'entreprise de Monsieur B de conquérir le marché de Phonogram. Les deux hommes sont d'ailleurs devenus les meilleurs amis du monde. Alors, tout ça nous permet de reconstituer le scénario probable de l'affaire. Je vous écoute, alors. Dans l'industrie du disque, on brasse beaucoup d'argent. Et ça donne des idées à ce directeur administratif qui n'est après tout qu'un salarié. Mmh. L'escroquerie des 3 millions et plus là, oui, oui. Ouais. Dès ce moment, il est sans doute à boucher avec Monsieur B. Car l'affaire habilement menée devait obligatoirement bénéficier de complicité. Mmh. Ah oui, en particulier l'homme qui a ouvert un compte et sorti l'argent liquide. Oui, à mon avis, il n'est pas impossible qu'à l'intérieur même de la banque, les escrocs aient eu un complice. Un type qui a fermé les yeux et ne s'est pas donné la peine d'alerter la direction de Phonogram sur le montant particulièrement anormal du virement frauduleux. Mais, encore une fois, passons. En tout cas, cette première opération réussie donne des idées aux deux comparses. Pourquoi ne pas recommencer à une plus grande échelle? Ah, d'où l'idée du kidnapping. Oui, oui, mmh. Oui. Mais il y a aussi l'attentat à la bombe, là, contre les locaux de Phonogram. Ça fait partie du plan. Il faut accréditer l'idée que quelqu'un en veut à Phonogram pour des raisons inconnues. Mmh. Et ça jette en même temps le trouble sur la société, hein. Bien entendu. Et dès ce moment, Monsieur B a recruté l'équipe qui va opérer le kidnapping. On s'improvise pas poseur de bombes. Peut-être, mais enfin, comment Monsieur B, qui n'a aucune activité politique, hein, a-t-il approché cette équipe uniquement composée de types d'extrême droite? C'est très simple. Monsieur B a engagé comme chauffeur ce Miguel dont nous avons déjà parlé, et c'est par son intermédiaire qu'il entre en contact avec la bande. Je veux bien, mais pourquoi ces activistes politiques marcheraient-ils dans une telle combine? À cause de l'argent. Tous ces types farouches défenseurs de l'Occident chrétien rêvent de recruter des mercenaires pour lutter contre la subversion communiste. En Afrique, par exemple. Et je pense plus particulièrement à l'Angola, où le pouvoir a fait appel à Fidel Castro pour contrer la rébellion de Savimbi. Et alors, il se serait lancé dans cette folle et dangereuse aventure de kidnapping. Oui, oui. Tenez, je suis à peu près certain qu'on leur a fait croire qu'il s'agissait d'un faux enlèvement. C'est-à-dire d'un rapt opéré avec le consentement de la victime? Oui, c'est bien ce que je pense. En outre, ces types ont été appâtés par le versement d'une grosse somme en liquide, prélevée sur l'argent escroqué à Phonogram. Somme qui leur a d'ailleurs permis d'acheter ce matériel stocké près d'Aurillac. Oui, ce matériel là qui devait être utilisé par des commandos de mercenaires. Oui, j'ajoute aussi que tous ces hommes qui avaient pris une part active dans la campagne présidentielle du candidat Giscard d'Estaing devaient penser qu'ils bénéficieraient d'une certaine impunité en cas de pépin. Et ça a été en partie le cas de Jacques, qui n'a eu aucune difficulté à quitter le territoire français. S'il n'avait pas commis l'imprudence de demander son renouvellement de passeport, il n'aurait pas été retrouvé. Tout ça est bien beau, mais enfin, dans votre hypothèse, là, que se serait-il passé si la rançon avait été effectivement remise à Monsieur B, qui se moquait bien des motivations politiques de ses comparses, aurait-il partagé le butin? Ça, j'en doute. Il serait sans doute rapidement parti en Italie, après avoir confié le montant de la rançon à son frère, qui devait rejoindre l'Afrique du Sud le jour même de la remise de la réception. Que penser de cette thèse étonnante? J'ai trouvé une partie de la réponse dans un livre de Paul Baril qui a enquêté sur les activités de Monsieur B. Il revient sur les déclarations de Jacques devant les enquêteurs et écrit ceci. Il explique que, en gros, cette action criminelle ne prêtait pas à conséquence et qu'il s'agissait d'un vrai faux enlèvement. Le fait qu'il l'ait cru ne prouve évidemment pas que ce fut le cas, mais le peu de précautions prises par l'ingénieur Conseil peut éventuellement donner un certain crédit à la sincérité de l'affirmation. Il maintient avoir cru que sa mission consistait à abriter pendant un laps de temps le PDG de façon à ce que celui-ci n'ait aucun contact avec l'extérieur en donnant à cette opération toutes les apparences d'une véritable séquestration. Le livre de Baril est intitulé « L'enquête explosive » et je vous recommande enfin l'excellente enquête de Frédéric Charpier sur la génération Occident qui vient de paraître au Seuil.